sais danser. Tu veux que je te montre? Volontiers. C'est extrêmement gênant. C'était un gamin, c'était mon petit frère, il s'appelait Dewey. Intelligent mais chétif, c'était un génie. Faut dire que j'en suis un, mais j'ignorais que Dewey savait mener le grand délire. Wouh! Oh mon Dieu, cher petit ange, attendez-vous, tu es trop mignon. C'est extrêmement génial. Il draguait les filles avec sa danse. Il avait l'air franc. Il était vraiment débile en faisant ça. Mais notre babysitter, il charma. Mais danser avec Dewey. Mais danser avec Dewey. Mais danser avec Dewey. Jusqu'au bout de la nuit, t'en feras pour toi. Oh mon Dieu, cher petit ange, attendez-vous, tu es trop mignon. C'est extrêmement gênant. Venez danser avec Dewey. Venez danser avec Dewey. Venez danser avec Dewey. Jusqu'au bout de la nuit, t'en feras pour toi. C'est extrêmement gênant.